إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة ومرسي الله سبحانه وتعالى qui nous a permis de nous réunir dans cette assise dans laquelle nous nous rappelons ce qui nous profite ici-bas et dans l'au-delà parmi les paroles de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cette assise bénite pour nous ainsi que pour tous ceux qui nous écoutent via la radio. Ayyou al-Ikhwa, comme vous le savez, comme cela a été annoncé, la conférence d'aujourd'hui porte sur les 5 recommandations de Jibril alayhi salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tabarani rahimahullah a rapporté dans l'Awsat ainsi que l'Hakim dans l'Mustadrak d'après Sahl ibn Sa'din radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril est venu à moi et m'a dit « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Aime qui tu veux, tu vas certes t'en séparer. Et accomplis ce que tu veux comme œuvre, tu seras certes rétribué pour celle-ci. Et sache que la noblesse du croyant est sa prière de nuit, et son honneur est qu'il se passe des gens. » Voilà donc les 5 recommandations immenses que Jibril alayhi salam a adressé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces recommandations sont une exhortation pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Il est donc un devoir pour nous de tirer des leçons de ces nobles recommandations. Et c'est pour cela que nous allons méditer sur celles-ci, incha'Allah ta'ala, afin de tirer profit de chacune d'entre elles. Ayyou al-Ikhwa, dans sa première recommandation, Jibril alayhi salam a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. » Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ceci est donc la réalité de ce bas monde. Cette mort nous est à tous destinée et nul n'y échappera, petit et grand, homme et femme, riche et pauvre, puissant et faible, musulman et mécréant. Nous mourrons tous et c'est une réalité inévitable. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans son noble livre وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Si tu meurs, toi, seront-ils éternels? Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous serons tous ramenés. Et lorsque vient la mort, le plus heureux des gens est celui qui aura le mieux observé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'Allah qui est de l'adorer seul sans associé, que tu voues toutes tes adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la raison de ta présence sur terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'ils m'adorent exclusivement, que pour qu'ils me vouent exclusivement le culte, sans ne me donner aucun associé. Le muwahid, le monothéiste, est donc celui qui réussira ce jour-là. Nous devons alors nous rappeler de cette réalité. Nous devons nous rappeler de cette réalité constamment. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort à ceux qui étaient avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a décrété la mort au meilleur des hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est certes mort. Afa immitta fahumul khalidun. Si tu meurs, toi, seront-ils l'éternel? Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, lui, qui était la meilleure des créatures sur terre, le meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, autre que lui sera-t-il éternel? Par Allah, la mort est la réalité inévitable, et ce pour chaque âme. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Voici la réalité de ce bas monde, mes frères. Ne soyons donc pas insouciants vis-à-vis de cela. Ne soyons pas de ceux qui se sont fait tromper par cette vie et ses plaisirs éphémères. Mais nous devons sans cesse nous rappeler que toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Et nul ne peut repousser cette réalité. Est-ce que quelqu'un peut retenir la mort lorsqu'elle survient? Est-ce que quelqu'un peut retenir cet ordre lorsqu'il arrive? Est-ce que quelqu'un a les capacités de repousser l'ange de la mort lorsqu'il vient lui retirer son âme? Non, par Allah, nul n'a les capacités de faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kalla, ida balagati taraqiya wa qila man raq » Mais non, quand elle en arrive au clavicule et qu'on dit « Qui est exorciseur ?» C'est-à-dire que lorsque l'âme atteint la clavicule, les amis et la famille s'écrient alors « Y a-t-il un exorciseur pour l'exorciser? Un médecin pour le soigner? Y a-t-il un exorciseur? Mais non, kalla. Ida balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idin al-masaq. Mais non, quand elle en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, c'est-à-dire la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Est-ce qu'un homme peut écarter cela de son ami? Est-ce qu'un homme peut écarter cela de son fils, de son père, de son frère ou de son épouse? Non, par Allah, nul ne peut repousser cette réalité. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là, vous regardez. Les enfants regardent leur père, le père regarde son enfant, l'homme regarde son épouse, la femme regarde son époux, mais nul parmi eux ne peut faire quoi que ce soit. Nul parmi eux n'est capable de faire quoi que ce soit. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne voyez point. Les anges descendent sur le mort pour lui retirer son âme, mais vous ne les voyez pas. Puis lorsque l'âme sort, alors c'est la mort, celle que personne ne peut repousser. Puis l'âme se dirige alors vers le châtiment ou vers les délices et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui seront conduits vers les délices. Le croyant doit donc se rappeler qu'aussi longue soit sa vie, elle a certains termes qui a été fixé. Et ceci est la première exhortation de Jibril alayhi salam. Il a ensuite dit « Aime qui tu veux, tu vas certes t'en séparer. Aime qui tu veux parmi tes enfants. Aime qui tu veux parmi tes épouses. Aime qui tu veux parmi tes pères et mères, tes frères et tes sœurs, tu devras certes t'en séparer un jour ou l'autre, et ceci est inévitable. Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont tous deux rapporté dans leur recueil authentique, d'après Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses suivent le mort, trois choses suivent le mort, deux repartent et une seule reste. Sa famille et ses biens et ses œuvres le suivent. Sa famille et ses biens repartent, tandis que ses œuvres restent. Lorsque la mort descendra sur toi, trois choses te suivront, deux repartiront et une seule restera, et c'est tes œuvres. Le croyant doué de raison doit donc donner de l'importance dès maintenant à ce qui restera. Donne donc de l'importance à ton compagnon qui ne se séparera pas de toi, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et ce compagnon est ton œuvre, et ce compagnon est ton œuvre pieuse. Nous devons alors faire des efforts dans celle-ci, faire des efforts pour multiplier des œuvres pieuses, et nous devons prendre garde à ne pas nous laisser distraire par une des choses qui repartiront au détriment de ce qui restera. Ainsi, le musulman clairvoyant ne se laisse pas tenter par les biens éphémères de ce bas monde, au détriment de ses œuvres pieuses. Mais il s'accroche fermement à sa religion. Il s'accroche fermement à sa religion et ne délaisse rien de celle-ci. Il ne délaisse rien de sa religion. Il ne vend pas sa religion pour des biens vils de ce bas monde. Il ne tombe pas dans les péchés pour amasser de l'argent et des biens qui ne lui seront d'aucun profit dans sa tombe. Mais malheureusement, l'amour de ce bas monde a conduit grand nombre de nos frères et sœurs au laxisme vis-à-vis des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois celui-ci qui rase sa barbe pour obtenir un travail, celle-ci qui retire son voile, l'autre qui tombe dans des transactions usuraires, et celui-ci qui tombe dans des transactions illicites. Il se lance dans le commerce sans même chercher à savoir ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit. Et il ne se soucie pas de savoir si les biens qu'il a acquis sont licites ou illicites, car il a fait prévaloir l'amour de ce bas monde à l'amour de l'au-delà, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous reformer et de raffermir nos cœurs sur sa religion, car wallahi mes frères, nul n'est à l'abri, nul n'est à l'abri. Nous devons donc sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui retourne les cœurs, de raffermir nos cœurs sur sa religion. Ceci était donc la seconde recommandation de Jibril alayhi salam, qui nous rappelle qu'aussi nombreuses soient les personnes et les choses qu'on aime dans ce bas monde, nous devrons un jour ou l'autre nous en séparer. Nous devons donc donner à chaque chose sa juste valeur et donner de l'importance à ce qui restera et nous profitera dans l'au-delà, qui sont nos œuvres pieuses. Après ces deux recommandations immenses, Jibril alayhi salam a dit « Accomplis ce que tu veux comme œuvre. Accomplis ce que tu veux comme œuvre. Tu seras certes rétribué pour celle-ci. » Et ceci est la troisième recommandation et exhortation de Jibril alayhi salam. Mes frères, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que nous serons tous rétribués pour nos œuvres de bien comme pour nos œuvres de mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un grain, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un grain, le verra. Nous sommes aujourd'hui dans la demeure des œuvres, dans ce bas monde. Et nous serons demain face à nos comptes, et il n'y aura plus d'œuvres. Regarde donc dès maintenant, quelles sont les œuvres avec lesquelles tu souhaites rencontrer ton Seigneur demain, et empresse-toi d'accomplir ces œuvres. Empresse-toi de les accomplir pendant que tu es encore vivant et que tu en as encore l'opportunité. Lorsque ton âme te suggère le mal, rappelle-toi que la mort peut descendre à tout moment. La mort peut descendre sur toi à tout moment. Et tu ne souhaites pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation de désobéissance. Alors, empresse-toi de te repentir et cesse de repousser toujours au lendemain. Cesse de repousser le repentir au lendemain, mais repens-toi dès maintenant, car certes, tu ne sais pas quand la mort descendra sur toi. Combien de personnes étaient vivantes hier, pleines d'espoir et de bonnes intentions, et sont aujourd'hui seules dans leur tombe avec leurs œuvres? Empresse-toi donc d'œuvrer avant que la mort ne descende sur toi puis que tu souhaites revenir et que tu ne le puisses pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hatta idha ja'a ahadahumul maut. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, lorsque la mort descend sur lui, qu'espère-t-il à ce moment? Qu'est-ce qu'il souhaite à ce moment? Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir. C'est-à-dire, fais-moi revenir sur terre. Et pourquoi veut-il revenir? Pourquoi veut-il revenir sur terre? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Subhanallah. Et que faisais-tu durant toutes ces années dans ce bas monde? Ne savais-tu pas que cette vie avait une fin et que tu serais rétribué pour tes œuvres? Qu'as-tu avancé? Qu'as-tu avancé pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers? Pourquoi as-tu attendu ce moment pour vouloir œuvrer? Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Et derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il prononce cette parole, mais en réalité, s'il était ramené à la vie, il retomberait dans la désobéissance et la négligence. Mais il souhaite revenir sur terre. Il souhaite revenir sur terre pour accomplir des œuvres pieuses dans ce qu'il a délaissé. Mais cela est trop tard. Ses regrets sont trop tard. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parents entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Oh Allah, place-nous parmi eux. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Oh Allah, place-nous parmi ceux dont la balance sera lourde et qui seront bienheureux et préserve-nous du châtiment du feu. Amin. Jibril alayhi salam, après ces trois recommandations, a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sache que la noblesse du croyant et sa prière de nuit. Ayyuha al-ikhwa, si on recherche la vraie noblesse, alors Jibril alayhi salam nous a informé à son sujet. La noblesse du croyant est sa prière de nuit, et la meilleure des prières après la prière obligatoire et la prière de nuit, comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de preuves sont rapportées sur le mérite de la prière de nuit, et particulièrement durant les dernières heures de la nuit. Lorsque le Seigneur descend au ciel le plus proche de ce bas monde, durant le dernier tiers de la nuit, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, et qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. Ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, et nous sommes nombreux à le savoir, mais combien parmi nous le mettent en pratique? Combien parmi nous mettent cela en pratique? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sont-ils égaux, celui qui est debout aux heures de la nuit, prosterné et incliné pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et celui qui dort? Sont-ils égaux, celui qui passe sa nuit dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et celui qui est dans les désobéissances, la négligence et les péchés? Non, Allah, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, décrivant ses serviteurs croyants, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient ici-bas, et parmi ces œuvres, la prière de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit « كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telles sont les caractéristiques des croyants. Le croyant doit donc se parer de ses nobles attributs pour avoir la noblesse, la vraie noblesse. La vraie noblesse ne se trouve pas dans la richesse ou dans les biens de ce bas monde, mais la vraie noblesse du croyant est sa prière de nuit, comme Jibril alayhi salam nous en a informé dans ce hadith. Et le croyant à qui Allah a facilité ce bien ne doit pas le restreindre à sa propre personne, mais il doit encourager sa famille. Il doit encourager sa famille, son épouse et ses enfants à accomplir ce bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est à nous de te nourrir, et la bonne fin est réservée à la piété. Ainsi est le croyant. Il commande le bien à sa famille, il commande le bien à son épouse, il commande le bien à ses enfants. Il ne les délaisse pas, mais il les oriente, il leur enseigne le bien et les encourage à son accomplissement. Et malheureusement, nombre de musulmans sont négligents vis-à-vis de cela. Combien d'enfants, garçons et filles, atteignent l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et voire plus encore, et ils ne connaissent rien des règles de la prière et des règles des ablutions. Pire encore, ils ne connaissent rien du tawhid, ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah, ils ne savent pas non plus qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne connaissent rien sur lui. Wallahu al-musta'an, livrés à eux-mêmes, abandonnés par leurs parents qui ont transgressé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans. » Ô toi le frère, père de famille, tu es responsable et tu seras interrogé à ce sujet devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas que l'affaire est simple. Ô toi la sœur, tu es responsable de l'éducation de tes enfants. Si tu souhaites le bien pour eux, si tu souhaites le bien pour tes enfants, ici-bas et dans l'au-delà, alors sache que leur bien ne se trouve uniquement dans la mise en pratique de la religion. Sache que leur bien se trouve uniquement dans la mise en pratique de la religion. Ces enfants, nos enfants, sont la génération de demain. Et il est bien triste de voir des parents négliger l'éducation de leurs enfants. Comme il est triste de voir un père assidu à la prière en commun, toujours en premier rang, venir à la mosquée, toujours seul, sans son fils, abandonné à des futilités, ou voire même des péchés et des désobéissances. Comme il est triste de voir une mère se lever le matin, accomplir ses ablutions, prier le fajr en son temps, puis se recoucher sans lever ses enfants, par peur de les fatiguer. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous réforme et fasse de nous des parents exemplaires et qu'il place nos enfants parmi ses pieux serviteurs. Ayyuha al-ikhwa, revenons donc aux recommandations de Jibril alayhi salam, qui a dit dans sa 5e recommandation, et son honneur est qu'il se passe des gens, c'est-à-dire l'honneur du croyant. L'honneur du croyant, sa force, sa fierté, est qu'il se passe des gens. Il ne regarde donc pas ce qu'il y a entre les mains des gens, mais il est plutôt probe et s'abstient, mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque s'abstient, Allah l'aide à s'abstenir. Et quiconque se passe des gens, Allah l'enrichit. Et ceci est vrai. Ceci est une réalité. Regardez celui qui se passe de ce qu'il y a entre les mains des gens. Il est dans l'honneur. Il est dans le bonheur. Il est loin de l'avilissement à une créature parce qu'Allah l'enrichit. Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichit. Il n'a donc aucun attachement à une créature faible comme lui, mais il ne s'attache qu'à Allah seul et place sa confiance en lui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui me garantit une chose et je lui garantis le paradis. Qui me garantit une chose et je lui garantis le paradis. Thawban, radiyallahu ta'ala anhu, a alors dit, moi au messager d'Allah. Et regardez ici comment étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils désiraient le bien. Lorsqu'il a pris connaissance de cette récompense, il s'est immédiatement proposé et il a voulu connaître cette chose afin de la mettre en pratique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, ne demande rien aux gens. Ne demande rien aux gens. Subhanallah. Ne demande rien aux gens et je te garantis le paradis. Ne demande rien aux gens et je te garantis le paradis. Et Thawban, radiyallahu ta'ala anhu, ne s'est pas contenté d'écouter cela sans que cela n'ait d'impact sur lui. Mais il est rapporté qu'après cela, il ne demandait rien aux gens. Pourquoi? Car il souhaitait obtenir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a garanti. Il souhaitait réellement le paradis. Il a donc tenu son engagement. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute une exhortation ou un rappel, qu'on lit un hadith mentionnant le mérite d'une œuvre, combien sont ceux parmi nous qui le mettent en pratique? Et ceci est dû à un manque dans notre foi, un manque de vénération des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc lutter contre nos personnes pour mettre en pratique ce que l'on lit, ce que l'on entend comme bien et comme exhortation et ne pas être insensible à cela. La force du croyant et son honneur se trouvent donc dans le fait qu'il se passe des gens. Il se passe des gens et celui qui se passe des gens obtient en plus de cela l'amour des gens. En effet, l'imam Ibn Majah rahimahullah rapporte que Sahl ibn Sa'din radiyallahu ta'ala anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre par laquelle j'obtiendrai l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, renonce à ce bas monde. Renonce à ce bas monde, Allah t'aimera. Et renonce à ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Et le hadith a été jugé comme bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. C'est donc ainsi que doit être le croyant. C'est ainsi qu'il préserve son honneur et sa force, en se passant des gens, et en ne se remettant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala lors des difficultés, tout en accomplissant les causes légiférées. Et il ne doit pas être de ceux qui, dès qu'une difficulté ou un malheur les touche, s'empressent de se plaindre auprès des gens, ou s'empressent de demander l'aide des gens qui ne sont que des faibles créatures comme lui. Mais il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le détenteur de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, et il implore son aide, tout en accomplissant les causes permises et légiférées. Et le croyant également ne doit pas être de ceux qui s'avilissent devant les gens, qui s'avilissent à demander l'aide des gens, qui s'avilissent et ne cherchent pas à se débrouiller par lui-même. Mais il doit préserver son honneur et ne pas se rabaisser à cela. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ces recommandations immenses de Jibril alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour toute la communauté. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce qu'on a lu et écouté, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qu'il aime et agrée et de nous accorder la meilleure des fins. Il est certes celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.